luttons pour la défense des libertés démocratiques menacées par le fascisme, pour le désarmement et la dissolution d'élites fascistes, pour la représentation proportionnelle à toutes les assemblées élues, pour le droit de vote aux femmes, aux soldats, aux jeunes gens à partir de 18 ans.